chapitre 35, où nous commençons à entrer dans le fantastique, si l'on entend par fantastique tout ce qui ne se passe pas à la surface de la Terre. Après le concert, nous fîmes un dîner à nous cogner partout. Je ne m'y appesantirai point. Les choses de la chair m'ont toujours laissé dans une vaste indifférence. Et cependant, je veux avouer que je ne sus, après le dîner qui suivit ce concert, me défendre des entreprises, comme mon honneur du dessus de la terre eût dû m'y inviter, ni résister aux agaceries de la dame de Montfort. Les ténèbres, il ne faut pas l'oublier, furent pour beaucoup dans cette faillite de mes plus honnêtes instincts, je dirais de ma naturelle vertu. Quoi ce fut, ne vous dirai-je, n'en attends nul pardon. Mais aussi, dame de Montfort m'énervait, avec ses 20 doigts de main, et aussi avec ses 20 doigts de pied. J'avais combattu vaillamment. Je jurais de n'en parler honque, mais madame dit qu'elle n'était point repentie de ce qu'elle avait mis la chose si avant, et finalement, elle s'étant endormie, je me partis de sa chambre et ouvris l'huisse. Certainement, je serais resté 8 jours de plus en la ville. Nous y restâmes 3 semaines, et nous y serions encore si je n'avais été sculpteur. Que je n'aurais pu désormais me servir d'une autre langue que celle du commencement du 14e siècle, qui est la plus belle du monde. Mais il faut savoir se reprendre, ou alors on n'est qu'un pauvre sire, triste jouet du destin. L'événement était en somme si exceptionnel que je brûlais du désir de l'approfondir. Nous n'avions eu encore le temps de rien voir de la ville, tant ils avaient mis de hâte à nous entourer, nous exhiber, nous gaver et nous mettre en notre couche. Théophraste s'était conduit de telle sorte, pendant le repas, mangeant de tout avec excès, qu'on avait dû l'emporter, ce qui avait été fait selon les ordres de la damoiselle de Coucy, laquelle, je le crains bien, n'aura point fait pour lors ses frais de galanterie. L'électricité, toujours à cause de cette insupportable odeur de lumière, nous ayant été interdite en public, je fus bien aise de me trouver à 7 heures, tout seul, dans les rues, ayant fui la couche de volupté, pour juger des choses posément après les avoir éclaircies. Ce qui me frappa d'abord, ce fut que les maisons n'avaient point de porte et que toutes les boutiques étaient ouvertes aux passants. Les objets les plus précieux et aussi les plus ordinaires se trouvaient à portée du premier voleur venu, d'autant plus que je n'aperçus nul gardien dans ma promenade. Je me dis, voilà une ville où la police est tout à fait mal faite. Mon passage en ce lieu sera peut-être de quelque utilité. Puis, l'artiste reprenant le dessus sur le commissaire, je m'attardai bientôt avec ma lampe électrique à des merveilles d'architecture. Mes yeux restaient éblouis par la profusion des colonnades, des cannelures, des chapiteaux, par le travail tout à fait incroyablement fouillé des frises, des bas-reliefs, des socles et généralement des assises de monuments. Les chapiteaux aux feuilles si extravagantes, aux volutes si contournées, détournées, retournées, étaient toujours à hauteur d'homme. La main pouvait les atteindre. Je vis bientôt qu'au-dessus de la hauteur d'homme, l'architecture devenait ce qu'elle pouvait. Elle se perdait, sans intérêt, dans la voûte des catacombes. Mais tout ce que pouvaient toucher les doigts n'était comparable à rien, si ce n'est cependant, de loin, à ce que je sais des merveilles d'Encore et du vieux Delhi. Oui, peut-être, la pierre 1000 fois travaillée par les artistes de l'Inde et du Cambodge pendant 1000 ans pourrait faire prévoir, peut-être, oh peut-être, cette floraison souterraine et sublime de l'architecture talpa, jusqu'à hauteur d'homme. Non, non, après tout, ni le bouddhisme, ni le brahmanisme, ni l'islamisme, ni les arias, ni les arabes, ni les mongols, ni les afghans, après tout, ni les perses, oui, certainement, ni même les perses, pas plus que l'Inde avec le palais de Tojoré et les tombes légères et poétiques de Haider Ali, d'Aurangzeb, de Shabdijan et aussi, après tout, les kiosques funèbres d'Aïrab et de Golconde. De Golconde, je dis de Golconde. Pas plus cela dans les Indes que ceci chez les Perses, c'est-à-dire ce qui reste, oh mon Dieu, combien peu, du Tak Kesra, c'était le palais du Koroès Nouchivran, ou des ruines, ce qui reste des ruines, de Ctésiphore Silencieux. Et je sais bien toutefois que l'art des Sassanides paraît avoir été tributaire de Byzance. Mais ce n'est pas tout à fait sûr. Rien, vous entendez, rien de tout ceci ou de tout cela, rien du tout de tout en architecture du dessus de la terre n'approche à hauteur d'homme de l'architecture talpa. Et cependant, je ne rencontrerai point de monument public. En vain me mis-je en quête du temple ou, par exemple, d'une mairie. Je ne vis ni temple, ni mairie. Le peuple talpa semblait n'avoir ni dieu, ni mère. Cependant, mademoiselle de Coucy disait toujours « Ah, Sainte Marie !» Mais je vis bien que cette exclamation n'avait pas plus d'importance dans son charmant petit énorme groin rose que chez nous, nom d'un petit bonhomme. Le seul monument, vraiment monument public, que j'eus à admirer était justement la bâtisse des concerts classiques. Elle était certainement plus admirable que tout le reste encore. Je n'y puis comparer, pour en donner une idée, que ce que nous pouvons voir encore du temple de Chilambaron, en y ajoutant les 100 temples de Siva à Buvanera et les 96 colonnes du Madapam de Konvachesam et les 7 pagodes monolithes d'Angel Hills. Je ne les ai pas encore vues, mais je me suis promis de ne point mourir sans les avoir vues. En dehors de ce monument, toutes ces merveilles architecturales, donc, s'appliquaient aux bâtisses privées. La plus mesquine ouverture, la plus humble porte, la fenêtre de la cuisine, que vous dirais-je, étaient de véritables petits bijoux, comme on dit. Et d'après ce que je vous ai narré plus haut de cette architecture, vous voyez qu'il ne faut évoquer en aucune façon ni l'art neigé, mais nu des Hélènes, ni l'art épais de l'Égypte, de l'antique Égypte, ni le composite, trop peu composite encore, romain, et les fenêtres et portes ne rappelaient en rien le cintre lourd du roman ou l'ogive du gothique, qui onque n'eût assez rayonné ou flamboyé, mais plutôt le fer à cheval de Cordoue, toujours l'art arabe, oh ces arabes. Oui, le fer à cheval, avec ses 1000 incrustations et ses 100 000 ornements, chef-d'œuvre de la pierre fouillée et trifouillée. Oui, maintenant j'y suis. Il se peut que les Arabes, et aussi les Mongols, avec leurs 10 doigts de main chacun, aient fouillé la pierre. Mais le peuple de Talpa, avec ses 20 doigts de main chacun, l'a trifouillée. C'est admirable. Et la trifouille sans cesse pour en jouir, ce qui rend l'œuvre plus admirable encore, sans qu'elle soit jamais terminée. Sur les places publiques, je ne vis point de statue. Le sculpteur le regretta. Le philosophe dit « Voici un peuple qui n'a ni dieu ni mère, ni grands hommes. C'est un pauvre peuple, il n'ira pas loin. » Ainsi, le front lourd, je supportais mes pensées quand je rencontrais une troupe de jeunes gens talpas armés d'arbalètes. Je me dis « Ah, voici enfin les archers du guet !» Mais je fus vite détrompé, car comme ils m'avaient senti à l'odeur de ma lumière, ils vinrent à moi, me firent 100 compliments sur ma bonne mine et me confièrent qu'ils partaient pour la chasse. Mon Dieu, oui, c'était la saison des chasses. Cette saison coïncidait tous les ans avec une forte crue de leur lac intérieur, et certaines régions du pays Talpa se trouvaient envahies par des passages de rats. Ils en tuaient des quantités innombrables, qu'ils accommodaient en 1000 sortes de nourriture, pâtés et conserves. Enfin, ils usaient de la fourrure fort artificieusement pour l'habillement des personnes et la tapisserie des maisons. Je leur souhaitais bonne chasse, et ces jeunes gens partirent pleins de gaieté, c'est-à-dire moult réjouis. Ils se contaient leurs exploits passés, et il y en avait grand multitude et grand foison. Grâce à quelques indications qu'ils me voulurent bien donner, je retrouvai la demeure de Dame de Montfort qui m'attendait à la fenêtre et, du plus loin qu'elle me vit, agita son mouchoir de peau de rat. Je la rejoignis et nous commençâmes à parler moult sagement. Je lui demandai si elle était mariée, elle se mit à rire et je vis que je n'avais rien à craindre du mari. Elle me demanda ce que je faisais sur le dessus de la terre de mes 20 doigts. « De mes 10 doigts, répliquai-je. « Ce que je fais de mes 10 doigts, je suis commissaire de police. » Elle ouvrit, à ces mots, de grandes oreilles et me demanda ce que faisait mon ami. Je lui répondis que sur le dessus de la terre, c'était un voleur. Elle ne savait ce que c'était qu'un commissaire de police ni qu'un voleur. Le bruit bientôt se répandit par la ville que nous avions des métiers inconnus. Et une grande foule survint qui nous suppliait de leur montrer comment nous faisions sur le dessus de la terre. J'envoyai quérir Théophraste.